Bah voilà frérot, 2 ans après cette rencontre, entre deux seniors, on en est là. Premier album qui sort, ça fait plaisir. On a formé un groupe de musique avec la famille, B2M. Qu'est-ce que t'en penses, ma gueule? Bah franchement, on peut être fier, hein. On a tout fait nous-mêmes. Il y a eu des hauts, des bas, on est passé au-dessus, on a créé une marque de vêtements, dizaines de concerts, des rencontres incroyables. Franchement, des moments de vie de ouf dans nos vidances, dans nos vidances, dans nos vidances, dans nos vidances, dans nos vidances, dans nos vidances, dans nos vidances, dans nos vidances, dans nos vidances.